On y est? Désolé pour l'éclairage. Voilà, donc désolé pour l'éclairage, je ne parviens pas à allumer ici, je ne sais pas pourquoi, donc voilà, on est dans une ambiance feutrée. Alors, est-ce que vous avez des questions, des remarques, des commentaires à propos des slides que vous avez vus jusque maintenant? Est-ce qu'il y a des choses qui ne vous paraissent pas claires par rapport à ce que vous avez pu voir sur les slides? Vous avez tous eu le syllabus aussi? Oui? Si vous n'avez pas essayé de prendre contact avec votre responsable pour l'obtenir. Alors, pour ce qui est de l'exercice, donc on va tirer au sort trois personnes et puis on va faire la négociation. Mais avant ça, je voulais savoir, j'ai lu pas mal de travaux et il y a quand même certaines confusions, je pense, quand vous parlez de la négociation. En général, tout le monde, ou pratiquement, a été d'accord pour dire que c'est une négociation commerciale. Oui, il y en a d'autres qui m'ont dit stratégique. Alors, quelle est la différence entre une négociation commerciale et une négociation stratégique? Moi, je la connais, hein, c'est chez vous que je voudrais savoir. Alors, qui se lance? Qu'est-ce qu'une une négociation stratégique au niveau d'une entreprise, par exemple? C'est quoi? Chacun individuellement, soit sur une feuille de papier, soit par email que vous m'enverrez tout à l'heure. Dis-moi. C'est revoir la stratégie pour changer à long terme. Oui, donc une stratégie, c'est une prise de position à long terme. D'accord. Mais on pourrait dire que ce contrat, si on négocie pour 5 ans, c'est aussi du long terme, ou pas? Qu'est-ce qu'on appelle long terme? Allez, dites. Sinon vous le faites par écrit, hein. Mais j'ai pas le temps d'attendre que vous vous décidiez à parler. Oui. La commerciale, ça concerne uniquement, uniquement le cas quand il y a vente ou achat de services, alors que la stratégie, les négociations stratégiques, c'est par rapport à des décisions qui sont propres à l'entreprise et pas avec. D'accord. Donc, je retiens de toute façon le long terme, mais le long terme, c'est sûr, c'est 20-30 ans. D'accord. Et la commerciale, c'est exact, quand il y a une vente ou achat de services ou de produits. D'accord. Dans le cas de PropNet et Crédit Fort, on est bien dans l'achat de services. Donc, ce n'était pas non plus stratégique parce qu'on n'a pas une vision à 20-30 ans. Ok. Donc, on est sur un contrat renouvelable. En général, le précédent, c'était 3 ans. Donc, on peut s'attendre à un renouvellement sur 3 ans. Donc, on n'est pas sur du long terme. On est à la limite sur du moyen terme. Moyen terme, en général, c'est 5-6 ans. Ici, on pourrait dire qu'on est entre le court et le moyen terme. Okay? Mais ce n'est pas du stratégique. D'accord? Puisque vous n'allez pas faire une négociation stratégique pour acheter des services, puisque vous pouvez en changer quand vous voulez. Ok. Alors, donc là, il y avait quand même une première chose qui n'était pas claire pour certains. Et puis, dans le contexte et ce qu'on sait de l'autre, vous pouvez vraiment, pour les exercices suivants, être beaucoup plus synthétique. Il ne faut pas reprendre les choses qui sont dans le texte que vous avez reçu, mais bien les éléments critiques pour la négociation. D'accord? Ça, c'est, vous pouvez vraiment être plus synthétique. Il y en a qui l'ont fait, il y en a d'autres qui sont restés beaucoup plus longs. Mais voilà, donc on est là pour faire le point de temps en temps. Alors, qu'est-ce que vous entendez par motivation intrinsèque et extrinsèque? Dans le cadre de l'exercice, c'est quoi? À la fois chez Crédit Fort et chez PropNet. Oui? D'accord. Tout à fait. Si on prend Madame Dupuis, qui est l'acheteuse récemment engagée, qu'est-ce qu'on a comme extrinsèque et intrinsèque? Pardon? Baisse des tarifs de 5%, tu la places dans quoi? Extrinsèque. C'est donc, ça fait partie du mandat que le négociateur reçoit de la personne qui l'envoie négocier. D'accord? Quelle est la motivation intrinsèque de Madame Dupuis? Oui? Tout à fait. Donc ici, on est bien dans une intrinsèque, puisqu'il n'y a personne qui lui demande d'aller prouver qu'elle est bonne négociatrice, puisqu'elle est engagée, mais elle, pour elle-même, il lui semble important d'avoir un beau résultat à cette négociation, puisqu'elle est nouvelle, et donc elle veut simplement montrer que ça a été un bon engagement. D'accord? Oui? Est-ce que ça, c'est... Je suis d'accord sur l'argument, mais tu le mets chez intrinsèque chez qui? Chez Madame Rascard. Pourquoi? Voilà, et en plus, elle bénéficie de services gratuits. D'accord? Donc, Madame Dupuis, non, hein, Madame Rascard, qui est la voisine de PropNet et qui, de temps en temps, quand elle fait une garden party chez elle, bah, les services sont offerts. Enfin, voilà. D'accord? Mais tout à fait juste, là aussi, il y a un intrinsèque. Est-ce qu'il y a une extrinsèque? Oui. Qu'est-ce qu'elle souhaite comme extrinsèque, elle? Oui? Continuer son contrat avec PropNet. Voilà. Voilà. Donc, elle trouve que le service était bon. Donc, si on reste comme ça, pour elle, c'est bien. Ça va. Alors, au niveau de la mésor, qu'est-ce que c'est encore la mésor? Oui, ok. Donnez-moi des exemples de mésor possibles. Allez, les autres, oui. De proposer à propos de prendre que les efforts prennent en charge les produits de nettoyage pour faire baisser le prix du service. Ça, c'est un élément de la négociation, je dirais, qui peut permettre un accord, tu vois. Mais si l'accord ne devait pas du tout être possible, il y en a une, hein, sur PropNet? Oui. Choisir un autre acheteur, parce qu'ils avaient une offre. Alors, un autre client. Ok. Donc, PropNet a sous la main, là, un autre client qui a demandé une offre. Donc ça peut être, pour PropNet, une mésor intéressante, qui ne va pas pousser le négociateur à absolument vouloir arriver à un accord. D'accord? Pour Crédit Fort, quelle est la mésor? Sûrement pour Madame Dupuis. Alors engager si c'était moins cher. Oui, voilà. Aller auprès d'un autre fournisseur. D'accord? C'est clair pour tout le monde, ça? Bien. Alors, au niveau du rapport de force, j'ai pas toujours bien compris ce qui était indiqué dans vos travaux. Le rapport de force, c'est quoi en fait? Qui peut essayer une définition du rapport de force? Qui s'essaye? Qu'est-ce qu'un rapport de force? Oui? Oui, exactement. Mais le rapport de force ici, est-ce qu'il est égal au départ? Est-ce qu'il est... Non, j'entendais non. Pourquoi non? Oui? Parce que Madame Dupuis, elle subordonne un peu Madame Pascal. Enfin, je pense qu'elle a plus de... D'accord. Mais là, tu parles du rapport de force entre les deux crédits forts. Oui. Ok. Moi, je parlais, oui, ok, entre PropNet et Crédit Fort. Par rapport à que c'est même depuis qu'ils subordonnent, c'est PropNet qui doit vous prouver qu'ils sont aptes à travailler pour Liège et potentiellement pour, oui. pour les autres sites. Oui. Et donc, c'est à eux, c'est à PropNet de démontrer qu'ils peuvent. D'accord. Mais ça, disons que c'est un rapport de force qui va se mettre en place pendant la négociation. Mais au départ, connaissant l'historique. Alors, connaissant l'historique, comment vous diriez que quel est le rapport de force? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, allez, je te laisse la parole. L'année précédente, ils ont un peu... Oui. Ils ont pas bien géré la situation. Du coup, ils doivent un peu se rabaisser à ce niveau-là. D'accord. Tout à fait. Donc, au moment où, merci, où les deux parties vont en négociation, ben, PropNet sait que l'année dernière n'a pas été florissante, hein, quand même. Il y a eu des erreurs, il y a eu un chipotage au niveau du personnel. Donc, PropNet part avec un peu de recul. Hein. PropNet est un peu déforcé par rapport à Crédit Fort, qui attendait un service précis et qui n'a pas été servi comme il faut. Donc, au départ, il est vrai que le rapport de force est inégal. Bon, ce n'est pas vraiment comme ça, hein, la balance n'est pas aussi fortement inclinée, mais au départ, le rapport de force n'est pas égal. Donc, quand vous partez en négociation et que vous savez qu'il y a un historique ou que vous connaissez certaines failles de votre service ou de votre produit, ben, vous partez toujours un peu en deçà de l'autre. D'accord. Donc, le rapport de force, c'est vraiment, ok, comment moi, par rapport avec tout ce que j'ai à proposer, je me positionne au niveau de l'autre partie. C'est pour ça qu'il est intéressant de bien connaître l'autre partie, parce que parfois, vous allez découvrir que cette autre partie, compte tenu des derniers événements, ben, va peut-être partir un peu en retrait aussi, ce qui permet de vous rajuster au niveau de l'autre. Et d'amener vos arguments de façon beaucoup plus cinglante. On est d'accord? Est-ce que c'est clair? Oui? Parfait. Alors, qu'est-ce que j'avais encore noté? Ah oui! Alors, à propos de la position affichée et point de rupture, là, franchement, il n'y a vraiment pas à me faire du texte. Une position affichée, c'est celle que je mets sur la table quand je commence ma négociation. Donc, il y en a qui l'ont bien noté, hein, je ne dis pas que c'est général, hein, mais il y en a où j'ai trouvé du texte. Donc, non, ce n'est pas de me dire, ben, ils vont essayer de... ou des choses comme ça. Donc, vraiment, la position affichée de PropNet, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle va afficher cette société dans la négociation au départ? Qu'est-ce qu'elle met sur table? Oui? Ils veulent renouveler le contrat? Non. Ça, c'est le but de la négociation, c'est l'objet. Okay. Mais quelle est sa position affichée? Oui, oui. Voilà, exact. Donc ça, c'est ma position en début de négociation. Et quel est, pour PropNet, son point de rupture, donc le point en dessous, le prix ou les conditions en dessous desquelles il n'ira pas plus loin en négociation. Donc c'est ça. Hein. Donc si vous avez l'affichée et puis vous avez le point de rupture. Et entre ça, il y a une marge de négociation qui permet des arrangements, des concessions, etc. D'accord ? Mais le point de rupture, c'est vraiment votre limite inférieure. Si on arrive là et qu'il n'y a toujours pas d'accord, vous allez réfléchir à voir, ok, est-ce que si je continue à négocier et que je perds sur mon point de rupture, est-ce que c'est encore intéressant par rapport à ce que j'ai comme mes ordres ? Donc là, vous allez devoir, pour vous-même, décider non, je reste sur mon point de rupture et s'il n'y a pas accord, ben tant pis, on en reste là. Ou est-ce que compte tenu de la mésure que je connais, est-ce que si je vais descendre en dessous de mon point de rupture, est-ce qu'il y a encore un intérêt pour moi? Ou est-ce que ma mésure est plus intéressante? À ce moment-là, je ne vais pas plus bas. D'accord? Donc, propnet 2500, qu'est-ce qui, en dessous de quoi il ne va pas? Quel est le point de rupture? D'accord, ça c'est une condition. Mais quelle est, si j'ai une position affichée à 2500, quel est mon point de rupture en chiffres? J'entends pas. Il n'y a pas de fausse. Enfin, vous allez pas faire enfin, des erreurs, j'imagine. Alors, on est ici pour apprendre. Oui. Je dirais le tarif actuel. Voilà, tout à fait. Le tarif actuel, en sachant que là, alors. Ben, les charges supplémentaires ne sont pas prises en compte, mais bon, au moins, je ne perds pas le contrat, quoi. On est d'accord? Alors, donc la marge de négociation va se trouver entre les deux. Pour crédit fort, quelle est la position affichée par crédit fort? Qu'est-ce que crédit fort? Bon, ils ne vont pas l'annoncer de but en blanc, mais à quel montant Crédit Fort voudrait, affiche que là, c'est son nec plus ultra. Oui? Oui, donc 13 000, c'est son affiché. Et sa rupture? Oui? Oui. Actuellement, et là, quand vous faites votre préparation, vous devez vraiment me dire, ok, donc ce qui paye actuellement, mais qu'est-ce qui paye actuellement? Donc vous devez faire le calcul et me dire que c'est 12 600 et des quoi. D'accord? Vous voyez? Parce que vous allez pouvoir alors vous mettre entre les deux, et négocier. Est-ce que ce sont des choses qui sont faciles à négocier quand je parle d'une position affichée telle que 2005 ou 13 000 et un point de rupture de 1200 et 12 600 hein? Est-ce que c'est facile à négocier ça? Est-ce que vous vous sentez négocier ça? Comment vous allez faire? Qu'est-ce qu'il faudrait? Qu'est-ce qu'il faudrait plutôt? Ça va encore être difficile. Ah, je ne sais pas à quoi ils sont valorisés dans le cadre qu'on m'a demandé. Mais quoi? Quelque chose de très simple. Ben, vous calculez des deux côtés le prix du mètre carré, comme certains l'ont fait à juste titre. Et vous allez négocier sur la base du prix au mètre carré. Et ça, c'est possible dans les deux cas. Donc vous voyez tout le travail de raisonnement que vous devez accomplir quand vous faites votre préparation. C'est à ça que j'attends que vous arriviez. Parce que si vous ne pouvez pas faire ça, vous allez avoir du mal à bien négocier. Alors, oui, dites-moi un peu, j'ai trouvé dans certains cas que certains étudiants disent que Mme Raska a une stratégie haute. Expliquez-moi. C'est dur le matin. Alors, qu'est-ce que c'est la stratégie haute d'abord? Oui? Oui. Conserver une bonne relation c'est à l'être. C'est ça. Alors. Donc c'est un peu le cas, finalement. Et comment? Et comment? Donc, Mme Raskar, elle a tout intérêt à aller en synergie avec son fournisseur, puisqu'elle veut à tout prix le garder. D'accord? Donc, elle va tout à fait opter pour une stratégie haute. Dans le cas de Mme Dupuis, c'est pas, ça ne va pas? Hein? Dans le cas de Mme Dupuis, on est où? Haute, basse, intermédiaire? Pardon? Intermédiaire, parce qu'elle ne va pas à l'affrontement. Elle ne le connaît pas, donc elle n'a pas d'historique avec Propnet. Donc elle va se mettre dans une intermédiaire parce qu'elle n'a pas d'a priori positif non plus. Hein? Elle en aura un peu du négatif même, parce qu'elle est au courant quand même des déboires de l'année antérieure. Mais c'est oui. Moi, je disais que comme Mme Raskar dépendait quand même de Mme Dupuis, vu que c'est elle la responsable d'achat, oui. Finalement, elle peut faire tout ce qu'elle veut, ce sera quand même Mme Dupuis qui est là-dessus et qui va quand même pouvoir trancher avec des questions plus rationnelles. Oui. Et donc, moi, je m'étais dit que c'était une stratégie intermédiaire, qu'ils avaient chacun intérêt à avoir une stratégie intermédiaire. Enfin, chaque membre avait intérêt à avoir ça, vu que finalement, on peut mettre Mme Raskar sous la coupole de, enfin, sous la tutelle de Mme Dupuis. Oui. Ils avaient chacun des intérêts, enfin, ils avaient chacun des points sur lesquels ils ne pouvaient pas non plus, sur lesquels ils devaient rester stricts et qu'ils avaient aussi une relation de confiance. Et, enfin, chaque partie a une relation de confiance aussi qu'ils ont envie de privilégier. Donc, toi, tu as choisi intermédiaire dans tous les cas. Oui. Oui. Attention, en sachant que Mme Raskar a quand même des intérêts personnels, puisqu'on a quand même une forte motivation intrinsèque chez elle. Même si c'est Mme Dupuis qui va en finale prendre la décision, et là je te rejoins tout à fait, elle ne va pas charger son fournisseur, au contraire. Donc elle va vraiment chercher une synergie avec le fournisseur. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on dit qu'elle est en haute. Tu peux voir ça? Ok, c'est clair pour tout le monde, ça? Bien. Alors, oui, c'est tout. Et je vous dis que le prix au mètre carré, le idéal, c'est de 3,25 €. Comme ça, vous ne devez pas chercher vous-même. En général, en moyenne, pour Crédit Fort, en moyenne, hein, elle paye pour l'instant un prix au mètre carré de 3,30 €. Et elle a une offre à 3 € au mètre carré. Avec tout ce qu'il y a autour. Hein. D'accord? Voilà. Des questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est plus clair? Oui. 3 € sans la fourniture et sans... Ah oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voyez qu'il ne faut pas non plus me faire des romans quand vous m'envoyez votre préparation? Ça peut être synthétique, ça peut être schématique, comme certains l'ont fait. Très bien, c'est très clair. D'accord? Donc, n'y mettez pas non plus... tout votre talent d'écriture, hein, d'accord? Oui? Bien, alors, s'il n'y a pas de questions à ce niveau-là, on va tirer au sort 3 premières personnes. Alors, je ne vais pas dire une main innocente parce que je ne vous prends pas pour une main innocente. Thank you. Je vous rappelle simplement dans la salle les règles que l'on suit. Vous devez vous faire oublier complètement. Troisièmement, vous allez noter des faits qui vous paraissent bizarres ou intéressants, mais je veux que vous notiez, si c'est une phrase, que vous notiez la phrase. Si c'est un mot, que vous notiez le mot. Si c'est un contexte, vous notez le contexte. Parce que après, vous allez faire du feedback, et le feedback, vous le faites sur des faits, pas des impressions vagues. Alors, à part ça, ben, on peut critiquer tout ce qui se dit, tous les comportements que l'on voit, mais je suis absolument réticente aux critiques personnelles. C'est-à-dire que je peux dire, Paul, ah oh Paul, toi c'est toujours la même chose, t'as toujours les yeux par terre quoi. Non, ça j'accepte pas. Mais je peux dire, Paul, ici dans la négociation, ben, j'ai vu que tu posais les yeux par terre. Ça oui. Vous sentez la différence? Donc on respecte la personne en tant que personne. Et on se tait pendant toute la négociation. Parce que si vous êtes devant, vous n'aimeriez pas que vous entendiez un tas de bruit derrière votre dos. Alors, qui est qui? Monsieur, vous avez une préférence? Madame Rascard. Monsieur Rascard, enchanté. Monsieur Rascard. Monsieur Rascard. Quoi? Madame Dupuy. Madame Dupuy. Moi, je vous présente Fortnette. Et tu t'appelles comment? Je m'appelle Anne-Cécile. D'accord, parfait. Anne-Cécile, parfait. Allez, je vous laisse le plateau. Là. Allez-y. Parlez bien fort parce que sinon derrière on n'entend pas. Je vous propose aujourd'hui de négocier ce qui concerne le service que vous fournissez, c'est-à-dire le nettoyage de nos locaux. Alors peut-être commencer par nous expliquer ce que vous proposez actuellement. Donc voilà, actuellement. Est-ce que vous voudriez peut-être dans la vie? Oui, voilà, ben actuellement, donc. Nous assurons le service de Liège, donc nous avons chaque fois un chef volant qui vient voir, donc si tout ça, enfin, qui vient superviser le travail, et je pense que ça se passe bien. Oui, c'est vrai, on a eu quelques petits problèmes avec des remplaçants, mais bon, on met vraiment les choses en place pour que ça ne se produise plus. Donc tout d'abord, je voudrais vraiment encore nous excuser, donc vous reconnaître pour cela. Nous avons, je vous tiens au courant, on a mis en place des nouvelles formations afin que le personnel soit plus qualifié et qu'il n'y ait plus de manquements à ce niveau-là, parce que c'est vraiment très important pour nous. Oui, parce que c'est vrai que Madame Rascal m'a signalé que... Monsieur Rascal. Oui, c'est vrai qu'il y a eu quelques petits problèmes à ce niveau-là durant l'année passée, mais bon, c'est vrai que maintenant, ce n'était pas la première année. Je veux dire, les années précédentes, ça s'était très bien passé. Donc moi, franchement, je ne me retiens pas rigueur. Je sais que ce sont des professionnels et qu'ils ont dû faire, je l'espère, ce qui a été... qu'ils ont dû améliorer la situation pour les années à venir. Donc ça, vous n'avez plus à vous inquiéter. Comme le dit M. Rascard, tout a été pallié. Voilà, ce qu'on vous propose, donc on est pour le moment plutôt à 2287 euros par mois pour Liège. Mais quelles sont vos attentes par rapport à... Mais l'objectif du rassemblement des achats en ce qui concerne la fourniture de services de nettoyage, c'est une réduction des coûts, et il est clair et net que on voudrait arriver à 13 000 euros sur l'ensemble de nos sites, ce qui fait que pour Liège, pour l'instant déjà, vous êtes à plus de 3,30 euros du mètre carré, et j'ai une autre entreprise qui me propose 3 euros du mètre carré, ce qui est quand même avantageux, et qui prend en compte l'ensemble des sites que sur lesquels Crédifort travaille. Tout à fait. Alors, je vous entends bien. Alors, ce que vous devez savoir, ce dont vous devez rendre compte, c'est qu'on prend aussi en charge, Madame Raka, pour en attester, on prend en charge vraiment tout le service, donc c'est-à-dire, ça comprend aussi tout le matériel et tous les produits de nettoyage. À ma connaissance, il y a peu de services qui assurent ça au niveau des services de nettoyage. Donc, et de plus, comme je vous l'ai dit, on tend à se restructurer et on essaye de s'étendre. Donc, si nous pouvons répondre à votre demande de couvrir différents sites, ce serait un plaisir. Bah écoutez, oui, ça peut nous intéresser maintenant. Paul, tu es en stratégie haute. Hein. Joue là presque trop, tu vois, ah oui, la stratégie haute. Bah écoutez, oui, franchement, je pense que c'est une... Non, je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, si vous nous dites que vous avez les services compris, c'est vrai qu'on n'avait peut-être pas pensé à ça en voyant le tarif de notre autre part. Et je peux aussi témoigner du fait que ces services nous facilitent vraiment la vie au bureau, parce que, par exemple, il n'y a pas l'arrosage des plantes aussi qui est compris dans le prix des concurrents, et ça, la société de Propnet le propose aussi. Donc c'est quelque chose aussi qui est enlevé de notre charge à nous au bureau à Liège. Et je pense que ce serait aussi bénéfique pour les autres bureaux à Bruxelles, etc. Et j'aimerais bien savoir où est-ce que vous êtes implanté et où est-ce que vous savez travailler. Et où savez-vous aller travailler? Donc nous sommes implantés à Liège, tout à fait. Et nous avons la possibilité actuellement, comme je vous le dis, on tend vraiment à s'étendre, donc il y a des choses qui peuvent être mises en place petit à petit, mais nous pouvons assurer un service à Bruxelles, à Namur et à Charleroi. Je pense que ça fait partie des différents sites où se trouve votre entreprise. Voilà, maintenant il faut savoir que, comme je viens de vous le dire, nous tendrons à évoluer au fil des années, et comme nous avons déjà une relation de confiance depuis 3 ans, si je ne m'abuse, je pense que voilà, sur le long terme, on peut envisager d'avoir une collaboration complète. Si je peux intervenir aussi, je pense que vous avez oublié de mentionner le fait que vous proposez aussi des services à domicile. Non, t'es fou ou quoi? Non, ça c'est ton intrinsèque, donc ça tu ne peux pas utiliser. Ah ok, d'accord. Okay, parce que pas. Du coup, elle ne sait pas ça. Ah, okay, ça, elle ne sait pas du coup. Je ne savais pas. Non, c'est pas grave. C'est pour ça qu'on fait un exercice. Hein. Mais le problème, au-delà de vos tarifs, le problème, c'est que nous aussi ne suivons pas la Anvers. Et en lisant vos projets, je me rends compte que vous n'avez absolument aucun plan pour Anvers. Et nous, notre objectif, c'est d'avoir une entreprise qui s'occupe de toute la logistique dans tout le territoire. Par conséquent, au-delà du prix, si on ne propose pas quelque chose de correct qui s'étend sur l'ensemble du territoire, ça risque de poser problème pour nos supérieurs. Oui, je comprends. Je crois que Mme Brascar avait quelque chose à dire. D'accord. Maintenant, ce qu'on peut encore envisager, c'est d'imaginer des frais de déplacement, ce qui permettrait que notre personnel puisse se déplacer peut-être jusqu'en Vers. Évidemment, bon, ça, il faut ce moyennant de frais de déplacement parce que c'est difficile de... Voilà, il faut quand même couvrir nos frais, mais c'est quelque chose qui est envisageable si vous voulez continuer sur notre relation de confiance et continuer très bien. Et donc imaginons que vous vous étendiez sur tout le territoire, que vous repreniez nos 5 succursales, à quel tarif voudriez-vous plus ou moins au mètre carré? Parce que je pense que si on reste à... Ouais, quel tarif au mètre carré seriez-vous prêt à mettre sur la table? Parce que je pense que si on reste à 3,2-3,3 euros le mètre carré, c'est vrai que pour pour l'ensemble des succursales de Crédit Fort, on arriverait à un montant total de 13 400 euros. Ouais. Notre objectif, c'est 13 000. Je pense que si vous continuez à fournir les produits d'entretien et si vous nous garantissez une qualité de vos services et qu'il n'y a plus de problèmes comme on en a rencontré cette année, il y a moyen que ça fonctionne. Et écoutez, ce que vous devez savoir aussi, c'est que les charges salariales ont augmenté, donc ça c'est indépendant de volonté. Et donc jusqu'à maintenant, on perdait 150 euros par mois sur le forfait. Donc si on veut continuer à vous assurer un service de qualité et un service durable, nous, il faudrait qu'on soit à 14 000 par mois. 14 000 par mois. Pas grave. Ça fait quand même une différence de 1000 euros. Maintenant, si vous calculez, je pense que si vous devez prendre en charge tous les produits de nettoyage et le matériel, si on fait la part des choses, je pense que vous arriverez plus ou moins au même prix parce que nous, on prend vraiment en charge tout le service. De plus, on vous propose de couvrir l'ensemble de vos sites. Et les frais de déplacement seraient à votre charge ou à notre charge? Donc on pourrait imaginer un forfait, donc un package pour 14 000 pour l'ensemble des sites. Donc dans ces 14 000 euros, il y aurait l'ensemble des sites, les frais de déplacement et l'ensemble des produits d'entretien. Les services qu'on propose actuellement, effectivement. Je pense que c'est quand même assez intéressant, une entreprise qui nous propose autant de services, de se déplacer, de nous fournir le matériel, de proposer des services inédits comme l'arrosage des plantes, etc. Je pense quand même que c'est quand même assez intéressant. Puis comme le dit votre collaboratrice, collaboratrice, désolée, je suis Madame Rascal. On disait avec votre collaborateur, je pense que nous sommes aussi dans une bonne relation de travail et que c'est important de pouvoir se baser aussi sur une confiance mutuelle lorsqu'il s'agit du milieu professionnel. Sans oublier que si il nous arrivait de considérer les autres concurrents, ce serait quand même aller dans l'inconnu. On ne saurait pas si la qualité du service est égale à ce que mademoiselle Cécile propose. Maintenant, on est quelqu'un qui nous propose des services de qualité. Qui a récemment investi dans des formations sur mesure, vous m'en aviez parlé la semaine passée. Donc le prix est peut-être un petit peu plus élevé, mais bon, ça justifie aussi une certaine qualité et des avantages qui ne sont pas négligeables. J'entends bien, je vais essayer de négocier avec mes supérieurs pour un montant de 14 000 euros par mois, même si ça me semble quand même un peu élevé par rapport à vos anciens tarifs, parce que. Prenez le temps de reconsidérer la question avec tous les avantages que je vous ai cités et que Monsieur Rascal a appuyé. Je note tout ça et je vous remercie. Merci beaucoup. Donc il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord signé, mais... Il faut qu'elle en parle avec ses supérieurs. Non, elle a carte blanche. Il faut continuer. Oui, parce que tu as oublié, tu es moins 5%. Moins 5%, oui. Elle va nous dire. Soyez créatif, parce que toi, tu peux encore trouver autre chose pour descendre de tes 14 000. Oui, c'est vrai que si, comme la direction le demande, on doit réduire tous les coûts de 5%, l'ensemble des calculs, en calculant tout ce qu'on paye maintenant en moins 5%, on arrive à 13 250. Écoutez, ce que je peux. Il faut savoir qu'il y a des augmentations dans les charges aussi et que ça, c'est vraiment indépendant. Donc, nous, si on descend vraiment trop bas, ce sera de toute façon, vous aurez le même problème avec toutes les entreprises. Maintenant, ce qu'on peut imaginer, alors, c'est que vous preniez en charge les services de nettoyage et donc que là, on s'aligne sur vos prix, mais que vous preniez en charge tous les produits. Donc, vous seriez prêt à être à 3 euros du mètre carré? Ça fait 12 600 euros en tout et pour tout, pour l'ensemble. Écoutez, vous avez annoncé 13 000. Nous, c'est assez compliqué de descendre plus bas. Par contre, je vous propose quand même une offre assez avantageuse, étant donné que, vous choisissez quel produit vous allez acheter et dans quoi vous investissez. C'est vous qui avez carte blanche à prendre. L'achat du matériel, ça, ce serait, pardon, l'achat des produits, ce serait moi ou ce serait par exemple Monsieur Rasker sur son propre site. Non, je pense que c'est toi qui décides, ma chère. Ah, c'est impossible. Ah, bah alors. Oui, mais c'est l'ensemble des sites. Elle peut faire un contrat avec une société de fourniture de produits pour l'ensemble des sites. Ça la regarde. Ah oui, ça la regarde. Ça n'a rien à voir, ça. Donc vous êtes prêts à mettre 13 000 € sur la table par mois. Et ne pas et que nous occupions de l'achat des produits d'entretien. C'est-à-dire que ça, je pense que ça conviendrait à ma direction. Dans le sens où ils veulent réduire les coûts de nettoyage pour 13 000 €. Et que dans les autres contrats, on ne propose pas. Dans ce cas, ça me convient. Moi, j'ai juste un doute, parce que donc, je fais quand même partie de l'équipe. Moi, je pense qu'il faudrait essayer de mettre un prix sur ce que nous coûteraient les produits par mois, parce que sinon, c'est quelque chose qui vous concerne. Vous choisissez ce que vous voulez, vous êtes libre. Moi, je vous propose le service. Maintenant, les produits d'entretien, si on décide de partir sur cette formule-là, c'est vous qui devez voir après. Que vous allez faire. Maintenant, voilà, il y a les coûts des produits, il y a les coûts du service. Au-delà de ça, comme je l'ai dit, il y a quand même aussi, ce qui est important aussi, c'est les bonnes relations dans le travail et le fait que vous puissiez nous faire confiance. Parce que si nous, on investit dans nos formations, c'est qu'on prévoit aussi d'avoir le minimum de problèmes, le minimum de dégâts. Donc peut-être que c'est des choses sur lesquelles vous allez pouvoir économiser à long terme. Puis vous savez comment on fonctionne. Est-ce qu'on tombe sur cet accord? Le problème, c'est les 13 000 € et je me demande s'il est bien avantageux de faire appel à une autre société qui couvrirait l'ensemble des frais de produits d'entretien. Là, je suis assez réticent quand même parce que je pense que c'est avant tout un partenaire privilégié qu'on a là, avec lequel on travaille depuis plusieurs années. Donc, je ne vois pas l'intérêt de changer de fournisseur à ce moment-là, parce que madame est prête à nous proposer un tarif complet. Maintenant, vous étiez en train de parler d'un tarif qui ne comprenait pas les produits de nettoyage. En allant 13 000, je pense que de toute façon, si on faisait ça, de toute façon, acheter des produits avec une autre société, voilà, ce serait déjà prendre un risque au niveau de la qualité du matériel et de ne pas arriver à nos objectifs financiers. Donc maintenant, je pense qu'il faudrait peut-être essayer de rediscuter un accord comprenant tout globalement, mais peut-être en essayant de trouver un accord qui nous convienne à tous les deux. Alors ça, je vous propose finalement 14 000 €, les frais de déplacement. Donc le premier accord, et j'en discute avec... Je fais en sorte que ça passe auprès de la direction. Il n'y a pas de problème. 14 000 € maximum par mois et vous prenez tout en charge. D'accord, c'était donc là. Et vous garantissez que le service redeviendra comme il était avant et que... Écoutez, nous faisons tout pour. Nous avons fait attention donc, aux nouvelles formations, à du nouveau matériel et donc nous essayons de recruter les meilleurs collaborateurs possibles. Votre employé n'est plus malade ? Notre employé va très bien. Eh bien, je pense que alors nous allons trouver un emploi. Très bien. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci. Alors, Anne-Cécile, qu'est-ce que tu as bien fait ? De quoi es-tu contente dans cet exercice ? Je pense qu'on a chacun une autre place de parole. Parle pour soi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, j'avais peur au début de ne pas savoir remplacer une ou d'être face à deux personnes, de perdre entre guillemets, la face par rapport... à la négociation, je pense que ça a été. Oui. Et j'ai essayé aussi d'avoir un côté, peut-être de faire oublier un peu tout ce qui était financier, oui. Pour repartir sur ce côté confiance et finalement trouver un allié dans oui. la négociation. Parfait. Parce qu'on se retrouve en plus gros nombre par rapport à Mme Dupuis qui était au départ dominante. Oui, elle était au départ dominante. Enfin, qui était, en tout cas, qui avait un pouvoir par rapport aux chiffres et à sa société. Oui, ok. Autre chose que tu as bien aimé ? Moi, je vais laisser parler des autres. Donc, Anne-Cécile a tout à fait raison. Elle a échappé à la la proposition de directement aller négocier sur le prix que Manon a essayé de faire au départ. Donc c'était vraiment impeccable. Tu as aussi, dès le départ, donné des excuses. J'ai trouvé ça très, très chouette. Donc tu t'es pas mis non plus, tu t'es pas voilé la face et t'as pas été dans le mur. C'était chouette. Manon, qu'est-ce que toi tu as bien fait? Connaître les tarifs, savoir parler en chiffres, mis à part quand les coûts d'entretien, j'ai aucune idée de combien ça coûte. Ça c'est du contenu, hein. Dis-moi sur le processus, qu'est-ce que tu as bien fait? Dire quelles étaient mes attentes. Oui. Peut-être tu as été un peu franche. On ne dévoile pas comme ça trop. La position affichée, tu peux la dévoiler assez vite. Mais le reste, essaye d'être un peu plus en attente. Négocier sur le fait, sur l'ensemble du territoire. Oui. Et pas sur que ce que Propnet a pour l'instant. Et arriver à un paquet qui comprend tout pour une somme qui au final est inférieure à ce que s'ils avaient vraiment fait leur tarif à 2500, ça aurait été plus cher. Ok, je peux ajouter un truc, je trouve qu'elle a été prudente aussi, parce qu'on était un moment à deux contre elle, et elle a dit, bon, je sais pas, elle s'est pas laissée avoir, je te la arrête cette négociation, c'est un moyen. Donc, finalement, c'était bien aussi. Oui. Encore autre chose que tu as bien fait au niveau du processus de la négociation, hein, qu'on a appris. Demander ce qu'elle attendait au départ. Oui. Et dire ce que moi, je voulais vraiment, pour que ça voilà. Trouver un accord avec Dieu. Il y a quelque chose que tu as fait régulièrement et qui est très intéressant dans la dans une négociation. C'est rien. Ok, on va voir si les autres ont vu. Paul, qu'est-ce que toi tu as bien fait? Je pense que j'ai pu m'appuyer sur ce qu'Anne-Cécile disait pour servir mes intérêts, c'est-à-dire de trouver un accord pour absolument rester avec eux. Je pense que j'ai pu toujours recentrer le débat sur un accord, puisque là, Manon parlait déjà de la concurrence, etc. Et à chaque fois, j'essaie de recentrer l'attention sur ce que eux proposaient, qui était plus avantageux, etc. D'accord. Et voilà. Tu as bien appliqué la stratégie. Oui. Super. La vôtre. Oui. Ok, les autres. Alors. Oui. Mais je trouvais que vous avez tous les trois un langage corporel hyper ouvert. On n'a aucun moment qui ne s'est pas rendu sur lui-même ou qui a baissé la tête ou quoi que ce soit. Son langage visuel aussi, elle parlait avec les mains, etc. Et Anne-Cécile, elle se répétait quand même souvent avec des phrases « J'entends bien ce que vous avez dit » et comme je vous l'ai dit, comme je l'ai déjà dit précédemment. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur le langage corporel. Je trouve que Paul, tu peux t'engager un peu plus qu'être en retrait comme ça. Comme ça, ça fait un peu soit dilettante, soit... j'en ai rien à cirer. Tu vois? Donc ça peut être interprété comme ça. Maintenant, voilà, dans la vraie vie, probablement tu ne le ferais pas. Ici, c'est un exercice superficiel, je sais bien tout ça. Hein. Manon, toi, attention, essaye de bien capter le visuel chez l'autre. Ça, parfois, tu perdais. Toi, il n'y a pas de souci, tu es en position ouverte, tu as le contact visuel et tu es à l'aise, quoi. Voilà. Donc, à garder. Quoi encore? Qu'est-ce qui était bien dans le processus aussi? Oui. Je trouvais que maman questionnait bien, reformulait bien ce qui était chaque fois dit, comme ça, ça avançait clairement. Absolument. La reformulation, maintenant, tu la gardes. C'est quelque chose qui est un point fort pour toi. Donc, c'est très intéressant de reformuler pour savoir où on en est. Donc, dans une négociation, allez-y, hein, reformulez vraiment quand vous avez acquis quelque chose, une information. Vous refaites le point. Donc, c'est important de faire cet exercice souvent et certainement à la fin, comme tu l'as fait aussi. Donc, à la fin, il faut certainement, si vous ne le faites qu'une fois, il faut au moins le faire là, quoi. Autre chose que vous avez remarqué? Non? Eh bien, bravo à tous les trois. On a deux groupes, hein, de présentation aujourd'hui. Ou trois? vous avez envie de faire une négociation et puis on passera à représentation. Négocier le plus tard possible. D'accord ? Donc, soyez créatifs et n'utilisez pas directement le coût. D'accord ? Essayez de trouver un accord sur d'autres choses. Un accord sur d'autres choses ? D'abord, oui. Alors, rappelez-moi vos prénoms. Donc, oui. Tu la connais ? Est-ce que tu la connais ? Oui. Mais pas dans la vraie vie. Hein. Tu la connais ? Non. Non. C'est dommage. Donc alors, je présente actuellement, j'ai un contrat avec vous depuis 3 ans. Je vous offre un service de nettoyage. Récemment, vous l'avez vu, on a eu des problèmes par rapport à une compétence au service. Mais vu qu'il n'y a pas de problème précédemment, ce n'est que une mauvaise façade et on nous améliorer en prenant des formations pour être de mieux félicité. Ce genre de truc, il y avait des humains. fait, si vous les entendez dehors, vous n'entendez pas la messe. Ça, mais étant donné que c'est jamais arrivé avant, ça arrive aussi rarement. Que garantissez-vous que vous arriverez la oui, des dispositions. Bien sûr, nous avons. Les personnes ayant commis ces erreurs ont été sous formation pour mieux gérer les problèmes causés dans vos bureaux. Et donc, c'est un mesure pour dire. Quels sont les services que vous offrez par rapport à d'autres commissaires en magasin ? Alors, le fait est que nous proposons déjà d'inclure le produit dans nos services, ce qui est un gros avantage par rapport à d'autres qui ne le fournissent pas. Et d'autres, on se répartit sur 5-6 différents pour l'instant. Alors, je sais que vous, vous êtes... Mathilde, est-ce que tu peux respirer profondément, s'il te plaît ? Pardon. Je sais que... Prends le temps de respirer. Je te sens tendue et il n'y a pas de raison. C'est un exercice, c'est pas... Bah oui, mais écoute, respire profondément, ouais. Prends le temps. Centre-toi. Et oh, je n'ai pas dit que tu pouvais recommencer. J'ai demandé non, ça fait ce que je... Je t'ai demandé de respirer. Et toi, au fond de ta chaise. Aussi, un trottinette. Attends. Et aussi, un trottinette vient nettoyer chez moi 3 fois par ça, jour. Ça, tu peux pas dire. Pourquoi ? Donc, elle t'a demandé quels sont les services que vous offrez par rapport à la concurrence. Donc, on peut aussi avoir comme avantage de se déplacer, ce que d'autres sociétés ne font pas. Et on est en fournisseur local aussi, ce qui est important à signaler. Et vous voulez passer sur quel site exactement ? Parce que nous avons 5 sites, nous avons Liège, Charleroi et on voudrait avoir une expansion. Donc, sur vos sites pour être plus disponible pour et donc c'est avantageux aussi. Et vous voilà. Parlez de frais de déplacement, vous avez un tarif pour ce. Je n'ai pas parlé de ça. Oui, mais attends, ça tu as aussi hein, dans les négociations. Oui, mais je n'ai pas parlé. Ah oui, mais tu peux pas dire j'ai pas parlé, tu dois prendre la balle au bon. D'accord. Tu peux dire, bien que je n'ai pas abordé le sujet, ben, puisque vous me donnez l'occasion, tu vois, il faut que tu utilises. Je rebondis. Oui. Donc, je n'ai pas encore abordé le sujet, mais on peut s'arranger là-dessus, hein, simplement, par exemple, faire un covoiturage, et que ça coûte moins cher au niveau des frais de déplacement, ou avoir trouvé des avantages avec une société qui propose des déplacements moins chers. C'est pas un souci pour nous, les frais de déplacement. Je pense que chaque personne sera d'accord avec nous. Et les tarifs, le prix que vous demandez pour vu qu'on a eu récemment des problèmes, on doit gérer plus la masse salariale. On aimerait arriver à 14 000 euros par mois, incluant tout. Je sais que vous proposez 13 000 euros. Oui, vous pouvez passer 13 000 euros. Mais je vous propose qu'on trouve un autre fournisseur qui produise des fruits peut-être moins chers. Et donc, ça réduirait déjà les coûts. Parce que notre fournisseur actuel est assez demande un prix assez élevé. Au niveau des produits parce qu'ils sont qualité, mais on peut trouver un autre fournisseur comme ça réduirait le coût. Vous avez une idée du prix plus haut ? Vraiment, je pense que ça réduirait déjà de moitié les frais. Je sais pas si on peut continuer la collaboration du Cornet, ça serait vraiment génial. On ne doit pas se préoccuper de prendre une frontière mature, une collaboration. Honnêtement, moi je trouve qu'on pourrait faire cet effort là. Nous avons déjà un fournisseur qui propose 3 euros de l'heure. 3 euros de l'heure, donc ce qui revient à 12 600 euros. Mais ils ne tiennent pas compte des produits. Non, mais ça, on peut aussi s'arranger avec les autres. Moi, je comprends, mais le fait est que nous, c'est plus avantageux pour que je vous propose un autre, de travailler avec un autre fournisseur de produits, ce qui est un avantage, tandis que l'autre, il vous propose quoi par rapport à ça? Non, moi, j'ai eu d'autres produits, mais je ne connais pas le fournisseur. J'ai déjà quelques noms dans ma, avec qui je pourrais travailler. Je pourrais vous les fournir par mail. Et de là, vous me direz si vous avez confiance. Si vous voulez vous avoir un rencontre entre vous, ce fournisseur. Ah, mais on a déjà eu contact. C'était un second choix au cas où si on doit changer. On a toujours une seconde option. Et donc, on se connaît déjà. Donc si vous voulez, je vais le présenter pour que vous ayez confiance en votre confiance. Ouais, bah, ça, ouais, moi j'aimerais clairement privilégier la relation qu'on a ici et mettre un petit peu plus d'argent dans avec le problème que c'est un contrat, l'espace, de la flexibilité, etc. J'aimerais vraiment beaucoup continuer avec eux, on s'entend très bien, en plus le contact passe assez bien. Et ça du coup ils s'en foutent. Pourquoi? Que c'est que la commande. D'autres arguments. Flexibilité, c'est bien, le service est très complet. Allez. Ils offrent des services gratuits aussi trois fois par an. Ah oui, bon. Ils arrosent les plantes, ils regardent si tous les appareils sont éteints, ce qui nous permet de faire des économies d'énergie. Voilà, c'est ça. Donc, au même temps, au final, des économies d'énergie grâce à tout ça. Aussi, ils viennent maintenant ils ont investi dans des formations maintenant, donc leur personnel est encore plus qualifié, et ça je pense que au final c'est quand même plus économique, peut-être plus rapide, etc. Donc en plus ils sont locaux, donc ils peuvent intervenir vraiment rapidement. Donc vous avez vraiment beaucoup de chance, vous avez vraiment une relation de confiance, et puis vous, c'est vraiment un très bon connaisseur. Vraiment, oui. Au niveau des services, vous pensez que vous avez beaucoup de services, vous avez correct par rapport à d'autres? Je pense, oui, clairement. Puis c'est un souci en nous aussi de ne pas devoir se soucier des coûts de l'entretien. Je trouve que c'est que des avantages. Donc, si vous me présentez votre fournisseur de produits, vous pourrez sûrement vous excuser. Et si c'est la première, vous allez aussi vous dire. Oui, je ferai ça. Je vous donnerai les chiffres à l'appui, comme ça vous aurez la preuve. Et je pense qu'on offre beaucoup plus de services et d'avantages que votre fournisseur qui vous propose. Ok, merci. Je propose qu'on puisse quand même renouveler le contrat. J'ai envie de voir le fournisseur avec une passe. Moi, je suis vraiment décidée à revenir avec eux maintenant. Je pense que le fournisseur, on peut faire ça pour régler les détails plus tard, mais on peut déjà s'engager avec eux pour un moment. Oui, c'est ça. Merci. Je vais pas dormir. Ok, allez. Ah, on dirait que vous êtes au supplice. Un peu. Ok, bravo. Alors Mathilde, dis-moi ce que tu as bien fait. De quoi es-tu fière et contente? Je ne demande pas du contenu, hein. Je demande comment j'ai négocié. Bah, j'essaie de trouver une alternative au produit de cours. J'essaie de garder contact avec le visuel. Oui. Alors, vraiment, je t'engage, si tu dois encore être comme ça dans un exercice à peu près similaire, tu te prends 2 secondes pour respirer par le ventre. Donc, ouvre ton ventre et tu expires. D'accord? Et ça détend. Il faut vraiment que tu le fasses parce que sinon, tu te mets des bâtons dans le cou. Vraiment. D'accord? choses comme ça, j'aimerais donc ça. Ok. Bien. En effet, tu avais un bon contact visuel. Bon, j'irai après. Mais tu as bien questionné aussi à certains moments. Tu as bien mis les avantages en avant. Donc, vraiment, c'était pas mal du tout. Je ne savais pas si je pouvais te dire, vu que c'est un point suspect par rapport à l'autre fournisseur, je ne sais pas si je pouvais. Non, là, tu es mieux de ne pas t'engager là-dedans. Parce que d'abord, tu ne sais pas qui c'est. D'accord. Et si je disais justement que je connaissais, que j'avais une seconde option et que j'avais. Ah, tu connaissais le fournisseur? Non, ah oui. Je ne savais pas si je pouvais me. Oui, ça, tu pouvais. Tu pouvais. Mais non, j'avais compris dans ta question, est-ce que pour l'autre fournisseur, je croyais que l'autre de la même chose. Donc là, n'y allez pas sur ce terrain-là, hein, parce que vous ne savez pas qui c'est et vous allez utiliser une méthode qui est de peut-être noircir l'autre pour vous mettre en avant, ce qui n'est pas très éthique, quoi, je dirais. Il y en a qui le font, hein, mais ce n'est pas une tactique vraiment très honorante, quoi, je dirais. Oui. Je pense que je ne me suis pas assez imposée parce que Mme Dupuis avait clairement le départ. Mais elle avait une mission claire. Oui, elle m'a dit après. Ouais. Sinon, bah, voilà, j'avais un projet de soutien. Vous avez trop net, mais c'était pas exactement en place. Je n'avais pas trop envie d'aller. Mais j'ai essayé de regarder et de dire que j'étais là. Oui, c'est bien. Ok, ok. Alors, quand on ne sait pas comment intervenir, on fait simplement un petit geste. Ah, si vous me permettez, d'accord, mais. Vraiment, il faut que tu essayes d'en placer une. Oui, c'est ça. Parce que sinon, tu te laisses emporter. D'accord. Donc, vraiment, essaye de t'imposer. Et ça, dans les négociations, vous allez devoir faire. Hein? Parce que l'autre, s'il a comme tactique d'occuper la tribune, comme vous avez vu, il ne va pas lâcher un moment et vous allez être là et devoir subir. Non. Vous avez quelque chose à dire, pouf, vous y allez. D'accord. Mais toujours en vous expliquant, hein. Oui, mais voilà, il faut voir. Non, si tu t'excuses, c'est pas impoli. Maintenant, il faut toujours avoir l'enjeu en tête. C'est ça qui doit te guider. Bien. Donc, moi, j'avais comme mission d'aller en stratégie basse. Oui. Aller un peu au. Mais tu as été très douce. J'ai essayé. Oui. J'ai essayé de garder contact. Oui. J'essaie aussi au niveau corporel d'être en avant, mais pas trop perdre. D'accord, super, oui, oui. Ok, alors, qu'est-ce que vous avez vu dans la salle? Qu'est-ce qu'on peut leur donner? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Allez, dites, vous avez bien une opinion, j'espère, hein? Vite, vite. Qui se lance? Oui. Oui. Oui, ok. D'accord. De tous les côtés? Oui. Toi, tu t'imposes très peu. C'est peut-être ta personnalité, mais si tu dois négocier, tu vas te faire bouffer. Hein? Vraiment. Tu te mets en position. Le rapport de force était comme ça. Elle avait toute la vie devant elle, hein, par rapport à toi. Il n'y avait aucun obstacle, tu ne faisais pas obstacle. Ok? Quoi encore? Merci. Quoi encore? Je dois vous faire le feedback aussi par écrit, comme ça vous vous sentez obligé de dire quelque chose? Allez vite, vous avez bien une opinion? Même si c'est un compliment, oui. Et j'ai pas entendu après le « et ». Ok, d'accord. Oui, donc là, il y avait effectivement cette complicité était là, un peu faible, mais elle était là. Oui, tout à fait. Merci. Quoi encore? Allez, dites, qu'est-ce que vous avez bien aimé? Rien, qui a dit rien? Sarah avait une façon de communiquer qui était très marquante dans sa communication, elle était très posée, ça pourrait être toujours bien construite. présentateur, c'était clair et structuré. Je suis d'accord, tout à fait. Allez, encore une opinion? Et alors, on va les laisser reprendre leur place parce que là, je vais vraiment m'occuper. Hein. Allez, qui encore a une opinion? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre encore? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre? Comme tu veux. Et parle bien fort. Puisque Mathilde avait dit on peut se déplacer aussi. Hein. Et alors, seulement après la question, elle a ajouté que les sites étaient à Bruxelles, etc. Ok, alors, les frais de déplacement, c'était un jeu ou c'était quoi? Ok. Donc, mais ça aurait pu être une tactique. Hein, puisque vous vous déplacez, hein, et qu'en est-il des frais de déplacement alors, hein? Tout à fait. Il y avait une bonne reformulation chez Aurore aussi. Le contact visuel était bien. Alors, comme tu dis, oui, pour les frais de déplacement, il y a des arrangements possibles. Si moi je suis en stratégie basse, je t'ai dit oui, mais à quel coût, hein, parce que vous me dites des arrangements, mais ça va encore me coûter plus, quoi. D'accord? Donc, elle a été vraiment très douce dans sa basse. On peut sinon la rejouer avec moi si tu veux dans la basse. Ok, merci bien. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on retient comme éléments principaux? Pas sur le contenu, hein. Je vous parle du processus de négociation. Qu'est-ce que vous retenez de ces deux exercices? Allez, dites. Peut-être rien non plus, finalement. Si tu arrêtais de te maquiller et que tu me disais ce que tu retiens. Je demande, qu'est-ce que tu retiens de ces deux exercices? Oui, et tu fais partie quand même du cours? Non, pas de ce cours-ci. C'était pas ton groupe? Non. Non. Et donc, tu es juste là pour faire tapisserie? Non, pas du tout, pour présenter le livre qu'on va présenter aujourd'hui. D'accord. Et donc, pour le reste, tout ce qui se passe t'indiffère? C'est pas que ça m'indiffère, c'est que j'ai pas suivi, étant donné que c'est pas un exercice que j'ai préparé. Et donc, quand on n'a pas préparé l'exercice, il faut pas suivre ce qui se passe? Donc, tu n'as pas compris ce qui s'est passé là. C'est dommage quand même. Mais ici, je ne te demande pas du contenu, je te demande dans le processus de négociation, qu'est-ce que tu retiens? Alors, qu'est-ce que vous retenez? Oui, Que le questionnement est très important. Oui, absolument. Le questionnement. Questionner, poser des questions, ça vous apporte un tas d'éléments sur lesquels vous pouvez rebondir. D'accord? Oui? Oui. Vous êtes là, vous prenez une place. Hein? Vous devez avoir une consistance. Donc, prenez une place. Oui? Pour bien reformuler, être sûr que tout le monde a compris. attention à l'image que l'on donne au niveau corporel. Oui. Ok. Donc bien avancer les arguments au bon moment. Et ça, c'est du feeling. Hein. Vous n'allez pas, il n'y a pas de recette. Hein. Ça dépend. Dans chaque négociation, c'est différent. Oui, Paul. Tout à fait. Bien retenir le contact visuel et pas se refermer ou se mettre en position d'attente. Bien connaître son interlocuteur, mais aussi les comptes pour savoir réagir durant le débat, etc. Tout à fait. Moi, je vais savoir où sont nos points forts et nos points faibles et savoir en jouer aussi, comme Anne-Cécile, par exemple, elle savait très bien qu'elle pouvait trouver un allié avec Madame Raska, oui. Oui. Oui, tout à fait, parfait. Donc savoir où sont les coalitions possibles et en jouer. Oui. J'avais juste une question. Oui. Pourquoi est-ce que aucune des deux parties, dans le sens de la Raska et peut-être ont pu parler de l'arrangement qui disait Madame Pétionne, le risque de que ce soit demandé aussi par Crédit Corps Poussel. Attends, pourquoi ils n'ont pas parlé des services? Ben, parce que ça faisait partie de la motivation intrinsèque de Madame Raskar. Et comme c'est gratuit, c'est pas compris dans le contrat. C'est simplement parce qu'elle est voisine et qu'elle lui offre ses services. Mais donc, c'est pas quelque chose que tu aimes qu'on dévoile, parce que tu payes rien, etc. Oui. Mais les Provenet n'auraient pas pu proposer justement des services offerts pour... Éventuellement, si c'était dans ses possibilités, oui. Oui. Et ils auraient aussi pu, au lieu de parler, par exemple, de trajet, de frais de déplacement, on aurait pu dire, ben, comme on est quand même en formation, ben, on va penser à recruter aussi, si vous nous dites que c'est Anvers, ben, on va aussi pouvoir recruter des gens d'Anvers, comme ça on sera aussi local, puisque ça c'est mon point fort, c'est d'être sur place. D'accord ? Donc il faut vraiment, vraiment réfléchir à tout ce qui est possible. D'accord ? Merci bien. Alors, vous avez juste 5 minutes. On reprend à -5.